des routes, à terminer sa longue route. Je demeure un invendu. Thank you.

Lola, Laetitia. Ça va. Fiché par la police. À leurs yeux, je suis dangereux.